ma catalère. Elle a le prénom d'une fleur, tout le monde la veut. Quand je la regarde dans les yeux, je vois ma catalère à moi. Et je sais pas pourquoi mes chocs elle viendra me chercher. Je suis dans l'appart, la gueule en sang, les bras attachés. Je repense à elle, je peux pas m'en passer. Elle dort avec un toca, est-ce que je lui ai acheté? Oh, oh, oh, oh, ma catalère, oh, oh, oh, oh, ma catalère. Ça devient une chose à gage. Elle enchaîne les meurtres, plus rien à perdre. Mais je l'aime comme elle est, c'est ma Cataléa. Son cœur est noir et je te mens pas, je me suis infiltré. Cataléa, je t'attends, tu sais que mes jours sont comptés. Je suis dans la zone, je t'entends, je te vois, t'es à mes côtés. Alors sors-moi vite de là, vois la beauté. Oh, oh, oh, oh, oh, ma Cataléa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ma Cataléa. Oh, oh, oh, oh, oh, ma Cataléa. En plus y'a de l'essence, hey Cataléa. Je crois que t'es venu à temps, voilà que t'es venu à temps, hey, t'es venu à temps, hey Cataléa. Rom pom pom pom pom, hey Cataléa. Rom pom pom pom pom, rom pom pom pom pom, hey Cataléa. Rom pom pom pom pom. Criminel, ma Cataléa. Ma Cataléa, elle mène une vie de criminel, ma Cataléa.